L'espagnol avec Michel Thomas, méthode pour débutants. CD numéro 5. Vendre, c'est vender. Alors, comment direz-vous? Est-ce que vous le vendez? Lo vende. Bien, c'était très clair. Lo vende. Ne le vendez pas. No lo venda. C'est ça, no lo venda. Vous voyez comme c'est important de ne pas se tromper sur le A ou sur le E. Et aussi comment c'est important, bien qu'il ne soit pas accentué, de les prononcer très clairement. Il faut prononcer bien distinctement le A ou le E pour faire la différence entre no lo vende, vous ne le vendez pas, ou il ou elle ne le vend pas, au présent, et no lo venda, ne le vendez pas, ce qui est un ordre à l'impératif. Et maintenant, si vous dites à ustedes, donc à plusieurs personnes que vous vous voyez, ne le vendez pas, vous direz no lo vendan. D'accord, no lo vendan. Vous ajoutez ici le n, no lo vendan. Et si vous dites ne le vend pas, ça sera no lo venda. Encore une fois, no lo venda. Mais la personne à qui vous dites ne le vend pas voudrait vous entendre le dire bien clairement. No lo vendas. Encore une fois, no lo vendas. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Je voudrais entendre bien clairement la terminaison. Vous devez la prononcer bien distinctement, sans pour autant l'accentuer. Alors, essayez encore une fois. No lo vendas. Das. Vendas. Bien. No lo vendas. Le S doit être parfaitement audible. No lo vendas. Comment direz-vous acheter ce livre? Ce livre-là. Maintenant, on revient au vouvoiement. Benda. On accentue seulement une syllabe. Benda. Benda. Ese libro. Bon, avec benda ese libro, vous venez de me dire vendez ce livre et non achetez ce livre. Ah oui, compre. Très bien. Ese libro. C'est ça, compre ese libro. Et ne l'achetez pas, ne l'achetez pas, il n'est pas très bon. No lo compré. Oui, c'est bien. Vous avez accentué et pris votre temps pour réfléchir à la terminaison. No lo compré. Il n'est pas très bon. Il n'est pas très bon. No es muy bon. Bueno. Bueno. No es muy bueno. Il n'est pas très bon. No lo compre. Et maintenant, vous dites la même chose. Ne l'achetez pas, mais cette fois-ci, vous le dites à ustedes. No lo compren. Oui, no lo compren. Et maintenant, comment direz-vous ne l'achète pas? No lo compras. Encore une fois. No lo compras. No lo compras veut dire tu ne l'achètes pas. Mais là, vous voulez donner un ordre. Ne l'achète pas. No lo compres. Es. C'est de l'impératif, donc on passe de A à E. C'est pour ça que c'est tellement important de faire la différence et choisir bien si on met A ou bien E. Donc, no lo compras, tu ne l'achètes pas, c'est un constat. Tout à fait. Et no lo compres, c'est un ordre, ne l'achète pas. Parfait. Vous avez tout bien compris.